ça tombe me rêver. Le me lever, moi ouais pas bon côté. Je dis à tout seulement vivre dans l'autre monde. Qui aime serrer, c'est à vous m'a fait penser. J'en suis trop bon. Ma vie, ouais, franchement, me sentir désolé. Soit pour l'amour, tout ça fait ma vie plaire. Prends-moi une chance, te prie pas quitter me tomber.